des problèmes avec moi-même. J'ai beaucoup de soucis en ce moment. Beaucoup de soucis. Je m'entends pas bien avec moi-même. J'ai beaucoup de problèmes en ce moment. La bouteille là, amène, amène, avec le Christ on boit son sang, amène.